Ok. Dis-leur, tant qu'il y en a qui en vendent, il y en a qui en veulent. Penser l'inverse suffirait-il à changer le monde? Car tant qu'il y en a qui en veulent, il y en a qui en vendent. Et si tu veux du bon sans ma gueule, je réponds à la demande. Dis-leur que c'est pas parce que je viens d'en bas que j'ai les crocs. Non plus de campagne, là, parce qu'il y en a qui nous l'ont trop. Mais dis-leur qu'être hip-hop, c'est pas s'approprier l'art des négros. C'est tout un mental et capté qu'en un mot j'en ai trop dit. Dis-leur qu'il y a un fossé entre amateurs et pas ses pros. Pas la diff entre mes sisters et mes bros. Quand 15 ans j'ai pas chez l'alchromique. Y'a des bas, des hauts, des accords, des accros, des débats. Mais désolé si je me prononce pas trop. Tant que j'ai pas vu l'après-Covid, yeah. Dis-leur qu'on est chaud, chaud. Que terme est hermaphrodite. Depuis que le rap m'a pécho, wow. Je l'aime à la folie. Dis-moi s'te plaît qu'on est plein. À se méfier des politiciens. Quand on sait que la carrière des Strauss il commence en moto. Ouais, pas fan du président et de ses ministres. Quand t'es une femme, comment ne pas être féministe? On prend l'islam, beaucoup trop fréquenté, Iblis. Banni l'alcool depuis que le crâne d'un frère a fini dans le pare-brise de l'auto. Ici qui n'a pas ses vis, qu'est-ce qui provoque son cancer? N'est-ce pas ça qui font que les salles de concert doivent pas rester vides? Fais gaffe à ce que tu consommes, ce que tu publies, à ce que t'enseignes, ils sont pas en sécurité. Pourtant j'ai des parents profs dans les colonnes de l'école. J'avoue qu'on n'était pas trop garde à vous, mais plutôt côté farandole. Ouais, j'en ai pas rendu des tonnes, jalouse. Mais conscient que trouver sa féminité passe pas que par la voir en robe. Ouais, je leur dirais qu'on est fort, qu'on est déter, qu'on est con. Ils me répondront quitter pour parler au nom des autres. En fait personne mais la mort est aussi sévère que la montre. Je me dis que je peux pas quitter ce monde en y laissant que des os. Ouais, je leur dirais qu'on est gosse éternel et qu'on est vrai. Il y a des secrets dans nos comptines et nos poches, chacun sa notion de bon film. Mais quand la fin est moche, elle est plus concrète. Y'a plein de petits ânes gris, pas une seule nuance de gris. Ils font tout pour que l'on s'attarde, procrastine donc à tout à l'heure. T'entends petit à petit t'attire, t'aveugle et te coupe la parole. Rien que ça répète les maquets calores en se rapprochant de l'Antarctique. C'est pas sa valeur mais sa rareté que doit prendre le plastique alors. Croire que c'est bon pour la santé, on avale du poison normal. Je sais que ce serait mieux, c'est pas pour autant que je vais prendre une santé. C'est pareil avec ou sans toi, et là même si t'es pas corda. On sait qu'y a pas que le sang de la terre sur les mains de Monsanto. Dis-leur que je rappe pour la Palestine et oui, je suis pour éliminer ceux qui veulent raser la communauté ouïghour. La frappe t'encaisse ou t'esquive, mais vive les bisous, j'hésite entre les rues de mon 20ème et celles de Monsartou. Dis-leur que tant qu'il y aura des grossistes, y aura du détail. Et tant qu'il y aura des bergers, t'inquiète, y aura du bétail. Tant qu'il y aura de l'impossible, y'aura des Jedi. Mais tant qu'elle a un revers, je ne veux pas de ta médaille. Tant qu'il y aura des colons, y aura des corbeaux. Tant qu'il y aura des corps de coups d'innocents, y'a pas de colons. Mais tant qu'il y aura des zones d'ombre dans nos cerveaux, tu me feras pas croire que celui qui a créé ça n'est que l'homme. Tant qu'il y a des actes généreux, y aura des escrocs. Tant qu'il y aura des escrocs, y aura des victimes chez nos vieux. Tant qu'il y aura des victimes que chez les vieux, y aura pas de blême pro. Tant qu'il y aura pas de blême pro, y aura pas d'actes généreux. On dirait que tant qu'il y aura des vicieux, y aura des cerclés. Tant qu'il y a nos viscères qui nous le permettent, y aura des petits yeux. Tant qu'il y a des anciens qui donneront pas les bonnes leçons, y en a qui montrent que ça mène loin d'avoir été jeune et ambitieux. Tant qu'il y aura de la zik, y aura du plagiat. Tant qu'il y aura du plagiat, y aura des hits. Tant qu'il y aura des hits, y aura des rages. Tant qu'il y aura des rages, y aura des feats. Tant qu'il y aura des feats, y aura des majors. Tant qu'il y aura des majors, y aura des fucks. Tant qu'il y aura des fucks, y aura des pages. Tant qu'il y aura des pages, dealer, y aura des dunks.